du cimetière d'Ixelles. Et c'est le numéro ici, ce bâtiment-ci, c'est le numéro... C'est le numéro 12. 12. Merci Younes, et puis il y a ouais. aussi été avec... C'est mon cousin Zaki et Rafik, mon petit frère aussi. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci à vous, c'est un plaisir. Hein. Parce que quand t'as pas de toi ici en Belgique, à l'hiver, tu crèves. C'est ça, c'est le mot d'exprès. C'est tu crèves. Tu vas crever. C'est ça. C'est pas facile. Du tout, ouais. Non, et en plus, il n'y a pas assez de place non plus dans les accueils sans-abri, nuit. Tu vas pas trouver la place. Ouais. Tu t'es plein parce que maintenant, il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus ces deux années dernières. Il y a beaucoup d'immigrants, c'était partout en Europe, débarquent ici, trouvent ni le toit, ni si t'es pas dans un centre, même à manger, des fois, c'est dur. Parce que ça aussi, il y a dans le quartier, il n'y a rien de... qui est la distribution de nourriture. Non, il y a une éducatrice de rue qui marche ici, elle fait un bon travail. On l'a rencontrée, elle donne les paniers de chaque mois à manger aux familles ici. Même elle aide pour avoir des aides médicaux aussi. Et ça va ici. Il y a des gens qui veulent aider. C'est une éducatrice de rue de la commune ou d'une association? Non, de la commune. Donc ils sont au courant. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ouais. Même des nouveaux, des familles qui viennent à nouveau ici. Ils les accueillent direct. Ils demandent pour l'aider. Quoi. Allez, bon, comme encore de points positifs un peu. Voilà. Ça va. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à vous. Bon courage. Merci. Voilà, on va en parler. On va continuer à vous soutenir. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Riche. Voix de canard, le plus chiche, le plus roublard, un suivant, Fifi Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou, on ne veut plus claquer du bec chez nous, nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Là, on va écouter une conversation avec des squatteuses, squatteurs, où ils et elles reviennent sur des moments qu'ils ont trouvés importants dans des moments de confrontation avec le proprio, de différentes manières. Donc c'est un retour sur une expérience de squat cet été à Bruxelles, où durant plusieurs mois, il y a eu des activités, repas, films, etc., dans l'ancien stock américain. Et donc les squatteurs, squatteuses vont revenir un peu sur des moments clés pour eux. À nous les enfants de Bruxelles ! À nous les enfants de Bruxelles ! Et donc ce jour-là, on a laissé le proprio rentrer dans la maison parce qu'il voulait faire une visite avec des personnes du patrimoine pour évaluer les travaux qu'il allait devoir faire et évaluer quoi faire pour son permis d'urbanisme. Et donc on le laisse rentrer, mais en fait on n'était pas tout seul. On s'était dit que ça serait chouette d'avoir des personnes qui soient dans le bâtiment pour nous soutenir au cas où ça tourne mal ou qui soient là. Et en fait on a appelé plein d'amis, de copains qui étaient là pour être dans la maison, qui faisaient à manger, qui dormaient, qui se posaient, qui jouaient aux cartes. Et ils sont là, tout le monde est posé, quoi. Et puis le proprio arrive avec son équipe. Et là, c'est pas seulement une confrontation avec un proprio, en fait. C'est aussi une confrontation avec un mec qui vient clairement d'une classe sociale élevée, avec tout ce que ça représente comme attitude. Et donc, quand il rentre, en fait, il nous calcule pas. Il nous parle pas. On est invisible et il se promène comme s'il était dans son château.